Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Mathieu Saint-Onge, Julien Archambault veulent la question de la virilité dans leur capsule humoristique. Et Stéphanie Gagné nous apporte son plat favori. C'est à Assemblage requis et c'est maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Salut Mathieu Plante. Salut Kiwan. Ça va bien? Super et toi? Oui, très beau palmarès que t'as animé, je voulais te féliciter pour ton beau programme. Merci beaucoup, c'est pas unanime apparemment, mais bon. Mais moi j'aimais ça. C'est ça, moi j'aime bien la musique qu'il y a dedans au moins. Bon! Non mais c'est ce dont je parlais en fait. Ah d'accord, tu parlais pas de l'animation? Non. C'est normal. Hey, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à l'émission? Aujourd'hui, on a vu droit dans la question la chronique humoristique de Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Vous savez, ils sont là chaque semaine, ils sont toujours présents et aujourd'hui, ils sont particulièrement masculins. Particulièrement masculins? D'habitude, ils sont quoi? Ils sont plutôt féminins? Ou... Non. Ok. Ils sont encore plus barbus, ils sont encore plus poilus, ils sont encore plus grand monsieur. Tu sais, genre vraiment viril. Ça va être tantôt, bref. Bref, je suppose qu'on va parler de virilité. Ben, c'est un bon guess, c'est pas pire. C'est là l'affaire, toi. Et aussi, vers la fin de l'émission, aux alentours de 16h30, comme à tous les jeudis, on va recevoir Stéphanie Gagné qui va nous présenter son plat favori, donc sa suggestion de la semaine. C'est dans un Tupperware dans le fond du frigo, on sait pas encore ce qu'il y a là-dedans. C'est une surprise. On sait pas si ça sent bon. On va voir tantôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui? On a un paquet d'affaires, on va discuter, on va écouter de la musique, on va chatouiller en dessous des bras soi-même. Ça fait rien quand tu chatouilles toi-même en dessous des bras, hein? Absolument rien, je comprends pas ça. Aucune idée pourquoi. C'est sûr que t'as l'aisselle particulièrement résistante au chatouillement. En fait. C'est vrai, c'est comme... t'as par balle, t'as par chatouille. Oui. En tout cas. On écoute Parler Steps avec Sleeping City, c'est sur le palmarès anglophone. C'est comme ça. Vous êtes à Assemblage requis au 89.fm. Ben oui. Essayez-le, chatouillez-vous en dessous des bras. Rien du tout. En dessous des pieds. Avec des souliers, c'est un peu dur. On our backs were made a promise. Find an ocean deep enough to sink us. Our feet tied promise to me. Find a love deep enough to scare us. You say you wanna be a better you and I say I wanna be a better me and quit chasing ghosts, no more mirrors and smoke. Just you and me in the sleeping city. All my life I have wrestled with words insufficient and remote and absurd. You say I won't need those words. Where we're going, I won't fight to be heard. You say you wanna be a better you and I say I wanna be a better me and quit chasing ghosts, no more mirrors and smoke. Just you and me in the sleeping city. Where we go, our clothes are not needed. Where we go, cell phones are not needed. Where we go, our money's not needed. Where we go, email is not needed. Thank you.

and vans and eat poisonous honey from mason jars and see the yellow smear of headlights on the windshield while the bass and beats ooze from the car stereo. And now behind us jobs and utility bills and bad bosses dispersed into steam, because tonight we're not poor and burdened by habits and wartime blues. Tonight we have no friends fighting cancer or endless debt. Tonight our past means nothing, and nothing we do is debilitating. So give us white lines to start our hearts, give us auditoriums and ballrooms and clubs, fill our dressing rooms with gin and red wine, and we'll give you back songs. None of this lasts forever. All good life will pass. But we're driving all night tonight, let no man stop our flight. On vient d'entendre le groupe Youth Movies avec la pièce Honey Slides à Assemblage Requis. Comme glisser dans le miel? Exactement. Wow! Ça donne des images, ça. Ah oui. Du miel. Genre de la lutte gréco-romaine. Dans le miel. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Vous êtes à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées, toujours avec Kiwan et Mathieu. Tout à l'heure, on va parler de faits divers, de choses qui se passent dans la vraie vie, des affaires qui sont véridiques et vérifiées et étudiées dans la chronique C'est un fait. Mais on va se retourner en musique, encore une fois. Oui, on va retourner en musique tout de suite. Tantôt, dans le dernier bloc, là, à peu près, je dirais, 5 minutes, on a entendu une pièce de Comme un homme libre. Ça oui. faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu du Comme un homme libre. Ça existe toujours, ça, ou pas? Non, je pense que ça n'existe pas vraiment, même si un des membres, Étienne Chan Khan, qui a aussi son projet solo The Sounds of Sea Animals, m'avait dit il y a à peu près un an dans une entrevue pour son autre projet que Comme un homme libre allait sortir un nouvel album bientôt, puis finalement jamais eu aucune nouvelle de ça. C'était vraiment excellent, ça. Ouais, c'était vraiment très bon. Et il y avait entre autres Johnny Maldoror des Breastfeeders qui faisait partie de ce groupe-là. Et Johnny Maldoror, tu l'as sûrement déjà vu. En fait, son vrai nom, c'est Martin Dubreuil. Je sais pas si ça dit quelque chose. Non, malheureusement. Tu l'as probablement déjà vu. Si tu as déjà écouté un ou deux courts-métrages québécois dans ta vie, il y a des chances que tu aies déjà vu sa face parce qu'il fait vraiment beaucoup, beaucoup de petites productions indépendantes avec ses amis cinéastes montréalais. Donc, il est vraiment dans un paquet de courts-métrages. Mais là, tu vas probablement le reconnaître sa face prochainement si tu vas voir le film Les 7 jours du Talion, qui est présentement à l'affiche, qui est sorti la semaine passée. Avec Claude Legault. Exactement. Et Martin Dubreuil, donc, qui est un autre des personnages principaux. Mais c'est bel et bien Johnny Maldoror qui tambourine pour les Breastfeeders. C'est vraiment lui. Cool. C'est eux qu'on va entendre dans le prochain bloc, d'ailleurs. C'est ça? Oui, c'est ça. On va écouter une pièce des Breastfeeders de leur premier album, Les Matins de Grand Soir. Et on va écouter la pièce Funny Funiculaire sur les ondes de C'est Fou 89 FM. Dans vos oreilles. Hey, street. I'm gonna be happy for the next 3 years. I'm gonna be happy for the next 3 years. Nouveau ça, on vient de recevoir, on l'a reçu en fait hier, c'est l'album, le EP, le démo du groupe Château qui est en spectacle hier soir au Zénob ici à Trois-Rivières et on vient d'entendre la pièce Tiger de ce petit EP du groupe Château. Très content qu'il soit enfin venu le mener, hein, il me semble, ça faisait longtemps qu'on l'attendait celui-là. Mais ça faisait longtemps qu'on entendait parler du groupe, mais on n'avait pas encore de musique ici, mais on en a maintenant. On n'avait pas encore visité ce château. Mais là c'est l'air de parler de choses véridiques, de choses fastidieuses. Ça s'applique pas du tout. Sous un adjectif, ça n'a pas rapport. Factuel, je dirais. Factuel, oui, livré par un facteur, je pense. Bref, c'est des faits. C'est la chronique, c'est un fait. Kiwan, savais-tu que en moyenne, un crayon de plomb, là, un crayon avec lequel on écrit, là, pourrait dessiner ou tracer une ligne de 35 000, d'accord, ou encore écrire 50 000 mots en moyenne. Un crayon de plomb. Ouais, OK, sauf que, tu sais, techniquement, ça se fait pas, là. Parce que tu peux pas l'aiguiser en même temps que t'écris avec. Il y a ça. Faudrait que t'arrêtes à chaque fois. Ouais, c'est ça. Puis aussi le fait qu'une fois que t'es rendu juste avec les faces, c'est un petit peu difficile d'écrire. Mm. Souvent, tu le jettes avant ça. Mais bon, en théorie. Mais 35 000, c'est très long, hein, quand même. C'est extrêmement long. Savais-tu que la Bible est le livre le plus volé de tous les temps? Le plus volé, shoplifting. Mais c'est sûrement aussi le livre dont il existe le plus d'exemplaires. Donc, c'est sûrement le livre le plus lu, le plus volé, le plus échappé par terre, le plus renversé vers d'eau dessus. Le plus écrit dedans. Le plus raconté à la télé dans des émissions sur les chaînes américaines où ils lisent la Bible. C'est ça. Donc, c'est sûrement que la Bible est le livre le plus tout. T'sais, tout ce qui existe, là, c'est la Bible qui l'a le plus fait. N'importe quel verbe. Plus de 2500 personnes gauchères par année sont tuées parce qu'ils ont utilisé un équipement ou un outil qui était fait pour les droitiers. 2500 gauchers. Comme des ciseaux, par exemple. Peut-être, ouais, c'est pour ça. J'avoue. C'est pour ça qu'ils font les bourrons. Aux ciseaux. Je suis de l'air à moi. Les iguanes, les koalas et les dragons komodo ont tous deux pénis. Ah! Ils ont de la chance. Aux États-Unis, on estime qu'un milliard d'oiseaux par année meurent après avoir foncé dans des fenêtres. Un milliard d'oiseaux aux États-Unis seulement, là. Un milliard. Un milliard. Je trouve que c'est beaucoup. Par année, ça? Oui, par année. Et qui a fait l'étude? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils ont installé une fenêtre et multiplié par le nombre de kilomètres carrés aux États-Unis? J'ai aucune idée. Ça fait partie des faits qui sont très discutables. Exactement. Et c'est ce que j'aime le plus de ces ouais, faits-là. C'est ça. Savais-tu que les moutons peuvent se reconnaître en regardant une photo de d'autres moutons? Qui a fait cette étude-là encore une fois? Comment prouver ça, que tu reconnais un mouton par son expression faciale? J'ai aucune idée. Mais là, ça, en même temps, ça vient un peu contredire l'expression populaire où quand on dit que vous êtes tous des moutons, vous faites tout comme les autres, vous avez pas d'identité, de personnalité. T'sais, quand on dit des gens qui sont des moutons, mais là, c'est le contraire. Dans le fond, ils sont très, très proches de leur identité, les moutons, finalement. Mm-hmm, ils se reconnaissent les uns entre les autres. Donc, vraiment. Apparemment, ils peuvent reconnaître les humains aussi. Ouais. Avec une photo. Il y a un article qui va être sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse de vous renseigner. Donc finalement, ça serait peut-être ça le meilleur ami de l'homme. On devrait peut-être en faire des animaux domestiques. Un mouton, c'est même pas si gros. Là, tu sais, ça. C'est vrai. Est-ce que tu veux une anecdote? S'il te plaît. Tranche de vie. Une fois, j'étais allé faire de la randonnée au mont Ham, Ham Sud. Mont Jambon Sud. Exactement, oui. La montagne du Jambon, dans les cantons de l'Est. Et puis, je redescendais, là, je m'en allais vers le stationnement. Puis là, il y a un monsieur qui venait me voir, il me dit hey, il dit, toi, t'aimes ça la montagne, t'aimes ça la campagne. Il dit, j'ai des terrains à vendre, viens, je vais aller te faire visiter ça. Fait que là, je trouvais ça très drôle. J'étais avec mon coloc Charles, que tu connais. Chuck. Et puis là, fait que là, on dit, OK, c'est drôle, on va aller voir ça. Fait qu'il nous amène dans le bois. En fait, il dit ma voiture est là, fait que je vais aller dans ma voiture, suivez-moi, prenez votre voiture, suivez-moi. Fait que là, il embarque dans sa voiture, puis on voyait pas trop son auto, elle avait l'air complètement pleine, mais c'était une Hyundai Accent, là, c'est une très petite voiture. Là. Puis là, on arrive à l'endroit où il voulait nous montrer ses terrains. Puis là, il sort de son auto avec sa chèvre qui était dans son auto. Et puis là, là il dit, c'est ma chèvre, là, c'est mon meilleur ami, là, c'est mon animal domestique. Puis là, il s'en va, il sort de l'auto puis il s'en va dans le bois avec nous autres en promenant sa chèvre. Puis après ça, il l'a rembarqué dans son auto. Mais c'est tout ce qu'il a fait avec. Hein? Ben là, je sais pas, je trouvais que c'était un peu ambigu comme relation là, qu'il entretenait avec sa chèvre, mais ouais. Donc, si une chèvre peut être un animal domestique et embarquer dans une auto, on pourrait le faire aussi avec un mouton, mais en plus, il nous reconnaîtrait. Wow. Me voilà bouche bée. Ouh, attends. Bouche bée! Ah. Bravo. Merci. Prochain fait, on va y aller rapidement. Dans la Chine ancienne, il y a très très très longtemps de ça, les gens se suicidaient en mangeant une livre de sel. C'était courant? C'est courant. C'est ce que les gens faisaient, c'était la mode, ben comme faut. Ça prenait une livre par contre. Là. Une livre minimum. Okay. Ça aspire les liquides, j'imagine. Ben ouais, c'est ça, c'est quoi? Ils mouraient genre d'une insuffisance rénale après 10 ans de dialyse. C'est la barre la plus pénible au monde. C'est là, le mot typewriter en anglais, la machine à écrire, c'est le mot en anglais le plus long qui peut être écrit en utilisant seulement une rangée de claviers. Si on regarde sur une rangée de claviers, typewriter. Le pourcentage d'hommes aux États-Unis qui disent qu'ils marieraient la même femme s'ils avaient la chance de repartir au début, là, tu sais, s'ils avaient la chance de refaire leur vie, 80% disent qu'ils referaient la même affaire avec la même femme. Donc, allez voir l'étude sur l'article d'assemblagerequis.com. Les os des cuisses. Sur ces 80%-là, 95% ont répondu à la question en présence de leur femme. Ah, tu sais. Ouais. Ça, c'était pas officiel comme statistique. Non. Savais-tu que les os de tes cuisses, Kiwan, sont plus forts que du ciment, sont plus solides que du ciment, les os de tes cuisses? Ben, moi, j'ai pas de cuisses, là. Non, mais ouais. Pour les gens qui ont des cuisses, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bref. Le mot almost, toujours dans la langue anglaise. Almost est le plus long mot de la langue anglaise qu'on peut écrire avec toutes les lettres dans l'ordre alphabétique. Almost, toutes les lettres sont en ordre alphabétique, c'est le plus long qu'on peut faire comme ça. Je trouve ça intéressant. Les femmes disent environ 7000 mots par jour, les hommes 2000. Mm-hmm. On estime. Là, en même temps, encore une fois, il n'y a pas de source, là. Autour non, de ces, c'est des pas études. Des études. C'est ça. On peut faire dire ben, des affaires à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. On estime qu'à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle heure, peu importe l'heure, qu'il soit minuit, midi, 3 heures du matin, de la nuit, 0,7% de la population du monde est saoule. 0,7%. D'accord. C'est présentement, au moment où on se parle, il y a 0,7% de la population mondiale qui est saoule. Là, 0,7% des animateurs dans ce studio sont saouls. Et finalement, dans les années 40, les crayons Bic, qui à cette époque-là s'appelaient Bic B-I-C-H, ont changé de nom pour Bic B-I-C parce qu'on croyait que les Américains prononceraient le mot bitch. Les crayons bitch. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est anglais, c'est ça? La compagnie est anglaise, c'est pour ça qu'ils ont changé le nom? Ça, par contre, je sais pas d'où vient le nom, mais on l'a changé pour le marché américain. Ok, ouais, c'est ça. C'est tout, c'est un fait. C'est un fait. It's all true, comme TVA, c'est vrai. Ben oui. Ben oui. On va retourner en musique tout de suite. Juste avant d'aller entendre la capsule de Vidon la question, ça s'en vient dans quelques minutes, ça, mais pour l'instant, on va aller écouter une pièce qui est dans le palmarès anglophone. C'est le groupe Woodhens avec la pièce Pockets à Assemblage Requis. Hot Pocket! 100% des membres de Woodhens sont très virils. Ah oui? Ce qu'on m'a dit. Ah, c'est juste une personne, finalement? Ouais. We'll be right back. There's no way that I can stay away. Et oui, vous êtes bien Assemblage requis sur les ondes de C'est fou. Et c'est bien l'émission du retour en pièces détachées. Effectivement. C'est bien Kiwan et Mathieu. Ce sont bien. C'est au pluriel. Oh, c'est ça de même, je pense. Ce sont... Ça se dit mal, par exemple. Ben, au pire, on peut considérer qu'on est une seule personne aussi. Ah, d'accord. Kitieu ou Mawan? Matan. Matan. C'est original, en plus, hein? J'aime ça. Personne ne pourra nous confondre avec aucun autre terme qui ressemble à ça. Jamais de la vie. Du monde. J'ai jamais de la virilité. Ah, virilité, c'est... Hey, je suis rendu presque aussi déplaisant que toi avec mes jeux de mots. Fatiguant. Est-ce qu'on va s'entretenir un peu de la virilité? Non, on continue de parler contre Mathieu Plante, c'est drôle. Ah oui? Ouais. Mais c'est plus drôle dans son dos, mais là, t'es comme face à moi. Fait. Ouais. Ouais. On va écouter Vidon-la-don la question tout de suite. Bienvenue à Bidon là-dedans la question. Ici Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault pour vous entretenir aujourd'hui de virilité. Parce que Mathieu et moi-même sommes très, très, très virils. Virilité, c'est un grand mot, là. Comment tu définirais ça, toi, la virilité? Ben, premièrement, par le poil. Par le poil, oui. Hein? Et puisque nous en avons tous les deux, nous sommes peut-être par définition pratiquement virils. Oui, par le courage. Par le courage, hein? Ça, c'est des belles qualités c'est d'homme. C'est pas rien que les muscles, ça. Le courage. T'es comme un explorateur là, qui s'en va là, dans des contrées lointaines. Là. Ça, c'est viril. Aller faire là, prendre des échantillons d'affaires là, de microbes en Antarctique, par exemple. Des marins, hein? Des surtout des pirates. Imagine ça, c'est une cave remplie de pirates qui rament. Ça, c'est viril. Qui rament, là, puis... Ça, c'est viril. Mais il y a des métiers qui sont moins virils, par exemple. Non, par exemple, les techniciens en évaluation sont pas très virils. Pas d'offense, mais je veux dire, c'est pas comme... genre t'arrives pas, tu dis, hey, moi, je suis technicien en évaluation, regardez ma virilité. Sur quoi tu te bases pour dire ça? T'en connais-tu, toi, des techniciens en évaluation? Mon père était technicien en évaluation. Pour vrai? Oui, oui. Mais je ressemble pas à mon père, non? Non, mais ton frère, il ressemble plus, par exemple? Il chante dans un groupe de hippies aujourd'hui, non. Justement. Alors, sur ce, on va aller écouter une petite capsule qui parle des métiers virils. Parce que là, hein, on vient de faire ça là, avec plein de préjugés. On vient d'en parler avec préjugés. Il y a des métiers virils, il y en a qui le sont pas, mais il y a moyen de faire tomber ces préjugés-là. Et il y a moyen de pratiquer des métiers qui ont l'air pas viril, d'une manière virile. La virilité au travail. Certaines personnes pensent qu'il y a des métiers impossibles à pratiquer sans perdre sa virilité. Vidons-la dans la question fait tomber ses préjugés. Qu'est-ce que ça veut dire? Être viril lorsqu'on est coiffeur. Coiffeur, coiffeur, coiffeur, coiffeur. Oh, Jacques, est-ce que tu me ferais une coupe emo? Tu me mettrais-tu le toupette devant les yeux? Non. Pense que j'aime mieux te raser la tête. T'es ma viril. Qu'est-ce que ça veut dire? Être viril lorsqu'on est homme de ménage. Homme de ménage, homme de ménage, homme de ménage, homme de ménage. Qu'est-ce que c'est ça, ce produit-là? Vous prenez laver à bol? Du vinaigre. Tu me brûles pas les yeux? Ça chauffe, mais je broille pas. T'es ma viril. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Être viril lorsqu'on est réceptionniste. Réceptionniste, réceptionniste, réceptionniste, réceptionniste. Excusez-moi, monsieur. C'est à quel étage pour la comptabilité? Attendez, là. Lolo, moi, je suis en train d'envoyer un courriel. Ben là, voyons, quelle heure? Parle pas même à madame. Je t'ai engagé comme réceptionniste, là. T'es disposé à avoir les compétences nécessaires pour répondre au téléphone, répondre à la madame devant toi et envoyer ton courriel en même temps. Moi, je suis un homme, puis c'est une affaire à fois, puis là, j'envoie un courriel. Ben franchement, vous avez un réceptionniste qui fait juste une affaire à fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tellement viril. La virilité au travail. Point, c'est tout! Viril, viril, viril, viril. Tellement viril du Anonymous. Marco Cagliari. Est-ce quelque chose de plus viril que Marco Cagliari? Ben, rasé, il est moins. Ben, il est tout. Quand il chante en italien, il est un petit peu moins viril. Ben, c'est une autre forme de virilité. Alors, mesdames et messieurs, pour vous prouver notre grande virilité à nous-mêmes et à vous, on va tromper nos blondes à la radio. Ah ouais? Hein? Parce qu'il y a quelque chose de plus viril que tromper sa blonde? Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que tromper sa blonde, ça veut dire qu'on a un surplus de testostérone à lâcher, tu sais. Fais pas comme si tu le savais pas, là. Tu sais bien qu'on va tromper nos blondes à la radio parce qu'on a fait venir Sandra! Salut, Sandra! Salut, les gars! Ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci. Yes! Yes, sir, yes, sir. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Okay. Je suis pas là de dire autre chose que ça. C'est peut-être un peu gênant, peut-être à la radio, mais on... Ben là, comment... Mais non, Mathieu, détends-toi. Okay. Je peux commencer par te masser, peut-être? OK. Moi, j'aime ça. Okay. Ah. Je te regarderai pas trop, Luc, pendant ce temps-là, sinon... Non, ça va être long. Ah, t'es douce, hein, Sandra? Mm-hmm. Ah, j'aime ça, moi. C'était mis du parfum. Sandra, c'est le fun. Est-ce que vous voulez que j'émisse, peut-être? Oh, ça vous exprime? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, on a juste 2 minutes. Luc, toi, j'aime pas, ça. Ben là, Matt, si, voyons. Hey Luc, je sais pas pour toi, mais moi ça a rien à voir. Non, je suis ta gueule là. Excuse. Bon, ok, là on va faire. Non, on continue là, c'est bon là, come on là. Donne-moi la fessée, Mathieu, aussi. Vas-y, là, sinon moi je vais le faire. Ah oui. Moi, je décroche, là. Voyons. Continue. Je trouve ça trop technique, là, ce qu'on est en train de faire. Non, regarde. Moi, je continue. Regarde, on passe en chanson. Moi, je continue, okay? Luc, arrête, là. Je sens un coup, là. J'aime pas ça. OK, on revient tout à l'heure. OK, moi, je continue. Non, moi, je suis pas à l'aise, pas en tout, là. Bon, ben là, je suis tout seul. Luc est en train d'avoir du sexe avec Sandra en arrière, puis moi, j'ai pas été capable de tromper ma blonde à la radio. J'ai comme ben gros déblocage avec ma sexualité, puis ça vient encore de m'envahir. Là, j'en profite, là, vu que j'ai le micro à moi tout seul, m'a vous livrer un témoignage sur ma sexualité. Je suis un gars qui a de la misère, moi, à contrôler mes pensées, puis des fois, je sais que c'est con, vous allez rire de moi, mais je pense au hockey en faisant l'amour. Des fois, pendant les préliminaires, là, je vois comme des tableaux de statistiques, là. C'est con, là, je mordis là, les épaules de ma blonde, puis là, tout d'un coup, j'ai comme la face de huée qui m'arrive avec sa moyenne d'efficacité, puis je chasse ça tout de suite, mais des fois, quand j'éjacule, des fois, je vois comme le Michael Ryder qui en pote un avec son tir du poignet. C'est drôle dit de même, mais moi, ça m'enlève le plaisir, là, puis tu sais, après qu'on ait fait l'amour, des fois, c'est comme un beau moment pour parler, puis des fois, je me demande, tu sais, de mon bord, tout seul, là, quel joueur de centre on pourrait bien placer avec Kovalev, tu sais. C'est pas rien que ça, là. T'sais, si le Canadien perd, là, ben, je suis comme pas inspiré pour avoir du sexe. Soit que je viens trop vite, soit que j'ai des érections molles. On dirait que je suis comme pas capable de me sortir de la tête que le Canadien a perdu, pis ça m'envahisse. En tout cas, je sais pas si je vais être capable de régler ça un jour, là, mais... En tout cas, je sais. C'est-tu viril, ça? Penser au hockey pendant le sexe. Retour à Vidon la don la question. Et moi, ça m'a fait du bien. Mathieu, je m'excuse de t'avoir dérangé. Ben, c'est beau. Tu pourrais peut-être te réhabiller, par exemple. Hein? Oh là, c'est quoi? T'as des problèmes avec ma nudité? C'est quoi, là? Ben, c'est juste que ça serait peut-être plus agréable pour moi. Je pourrais plus me concentrer sur ce qui se passe. Mais ben, moi aussi, ça m'a fait du bien de livrer ce témoignage-là. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont reconnus là-dedans. Il y en a peut-être pas beaucoup qui se sont reconnus là-dedans, mais il y en a sûrement. Venez pas me dire que je suis seul à penser au hockey pendant que peut-être je quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a pu se reconnaître là-dedans serait nul autre, Mathieu, que Lord Castrato. Oh, Lord Castrato! Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là? Il y a un nouveau phénomène sur Internet. Si vous allez sur notre page MySpace, il est dans nos Top Friends. C'est un gars qui s'appelle Lord Castrato. Et ça n'est pas une farce. L'homme qui chante plus haut que ses testicules, Lord Castrato. Alors, oui, Lord Castrato. Si vous allez sur MySpace, vous pouvez voir sur notre page MySpace, vous allez le trouver. MySpace.com/LordCastrato. Alors, parce que Lord Castrato, tant qu'à moi, c'est quelque chose de très viril. Alors, on écoute ça. À la fin du 18e siècle, le pape Clément XIV interdit la castration des jeunes garçons. Non, je ne veux pas! En 1922, meurt Alessandro Moreschi, le dernier castrat. Et là, vous vous dites, putain, je n'entendrai jamais de chanteur castrat? Détrompez-vous. Il existe dans la région de Québec un jeune homme de 27 ans qui a sacrifié sa masculinité. Vidons la don la question. Vous faites découvrir... Lord Castrato. À une époque où des groupes comme les Trois Accords ou les Cowboys Fringants obtiennent du succès sans même savoir chanter, Lord Castrato vous rappelle ce que c'est qu'avoir de la voix. Vous aimez torturer les chats avec des bruits stridents? Faites appel à Lord Castrato. Cibouet! Hey, moi je pensais que c'était une bouilloire. Lord Castrato chante aussi dans un band de power metal. Toujours sceptique? Allez visiter le www.myspace.com/Lord Castrato. Lord Castrato, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une joke, ce n'est pas nous autres. On a piqué ça sur MySpace. Et ça existe pour vrai. Il chante pour vrai dans un band de power metal. Et je sais pas s'il va être content quand il va apprendre qu'on lui a fait une belle pub pour le radio. On va s'assumer, on va y envoyer. On va y envoyer. Ça vous fait sûr de ça. Allez voir ça. Comme vous le savez probablement, oui. En fait, on est obligé dans notre émission à chaque semaine de faire jouer une chanson du palmarès. Francophone. Et puis là, nous autres, de se dire, on va se trouver la chanson la plus virile du palmarès. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Rien pantoute! Ça, c'est trois gars sur le sofa. C'est la chanson, en fait, la moins virile du palmarès. Probablement. Il n'y avait rien de viril sur le palmarès. Absolument rien de viril. Alors, on s'est dit, on va viriliser trois gars sur le sofa. On va écouter avant un peu. Sont où les ténors? Je sais pas. Je pense que c'était les 10. Sont où les ténors? En tout cas, c'était pas très viril. C'est papa. Oh! Oh! Une couleur, un chiffre. Ris pas. Ça m'a pris l'heure. Je me souvenais plus. Comment plier ça? Non, il s'en souvenait plus. Ben moi, oui. Mais toi non plus. Fait que ça fait rien. Pas très viril se complaindre. Non, je veux dire se complaindre, se complaire dans la médiocrité. C'est comme ça. Moi, je suis pas bon en dessin. Pas très viril. Moi, je suis comme. J'ai quasiment envie de faire jouer un bruit de moto en arrière de ça. Ça fait du bien, hein? Ah, oui, c'est une forme d'art aussi, quand même, ce qu'ils font, là. Oh! Ben, oh! Ça rajoute-tu des gosses, ça? Hein? T'attends depuis une heure. Hey! Oh, yes! Ton dessin, mais je comprenais pas. Ah, le petit dessin vient de... pimper mon dessin, hein? Donnez du gaz! Eh, bonne la toune de même, avec hein? La moto à l'arrière, c'est bien mieux. Oh! Je vais te faire un paysage, mais ça... Le paysage... belle moto dans le paysage. Attends, on n'entend pas les paroles, non, là. Je sais, les petites mouettes, le triangle des sapins. C'est ouais. Un peu moins invitant. Là, c'est comme dire, genre, je suis pas bon. C'est ça, c'est pas viril de dire que tu es pas bon. C'est ça le problème, hein? Ouais, c'est ça. Mais ça manque de cris, ça, hein? Mais ça dira rien, mais ça dira rien. Qui vole? Triangle, c'est des sapins. Trois gosses et ça sort. Par le monde évident. S'excuse pour ceux qui aimaient la chanson, mais... Et voilà! C'est notre version. Nous avons virilisé trois gars sur le sofa. Oui. Ça a été très agréable de pouvoir faire ça. Vidons la question! Avec Mathieu Saint-Onge, les Cachambeaux. Ben, en tout cas, c'était efficace, comme virilisation de trois gars sur le sofa. Encore un autre de mes moments préférés. Il y en a tellement, mais ça, c'est vraiment un très, très, très bon. La virilité, diffusion originale 2 avril 2007, avec Vidon Ladon la question, Mathieu Saint-Onge, Luc Archambault. Allez voir VidonLadon sans le C.com, VidonLadon sans le C.com. Ils seront là la semaine prochaine, évidemment, avec un spécial sur la Saint-Valentin. Oui, même si ça va être passé, mais c'est quand l'idée. Même, c'est la semaine prochaine, c'est la journée désignée, la semaine désignée. Pour le spécial Saint-Valentin, devidons la question. Soyez-y jeudi prochain dans Assemblage requis. Pour l'instant, on continue en musique avec Croquage de queue. Oui, on va écouter une pièce que t'aimes beaucoup, Mathieu. Croquer des coups, des trois accords. Comme croquer. Moi, ça. Ça, c'est les croque-notes. Ah. T'es dans la famille, non? Quand la famille, t'es sûr? Bien croque-notes. T'es sûr que c'était dans la famille? Non, je pense que c'était à Radio-Canada l'après-midi quand on revenait de l'école. Là. Ça se peut-tu? Ou les deux. On sait pas. Croque-croque-croque. ce Sébastien Gingras, toi, qui croque les coups des voisins en se cachant dans leur frigo. Tu l'as bien connu, toi, Sébastien Gingras? Ben oui, je l'appelle Sabi G. Comme tous ses amis. Et voilà. C'est la fin de la première heure d'assemblage requis ici, assez fou, et il y en a une deuxième qui s'en vient dans tellement pas longtemps que vous allez comme être surpris par son arrivée. Oui, dans cette deuxième heure, on va recevoir entre autres Stéphanie Gagné et aussi on vous fait quelques suggestions sorties. Oh, mais parle-moi donc de ça, toi. Ben, pas tout de suite, parle-moi ça tantôt. Tantôt. Tantôt. Pas Soyez là, dans quelques minutes. Ouais. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. Émergent. Émergent. C'est fou de la musique. C'est fou 89.1. 89.1. Bonjour! Hey, salut, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Et puis, dans la deuxième heure, il va y avoir notre amie Stéphanie Gagné qui va venir nous parler de choses, de coups de cœur artistiques et culturels qu'elle a eu cette semaine. Ça peut être pas mal n'importe quoi, finalement, ça. Oui, ça s'appelle Ton plat favori, c'est dans environ une demi-heure. Aussi, je vous parle un peu du concours Microsonic qui a lieu tous les jeudis depuis déjà plusieurs semaines. On est rendu dans les demi-finales, je vous parle et vous fais entendre les groupes qui sont présents ce soir. Quelques autres petites suggestions aussi pour la soirée, la fin de semaine. Excellente idée. Sinon, encore de la très bonne musique. Oui, entre autres. Et est-ce qu'on va en écouter tout de suite? Ouais. On va écouter Romance is Boring. Non. Oui. Non. Non! C'est tellement drôle quand tu fais ça, Mathieu. C'est super viril. Non, je sais que ça va pas. Fini dans la question! Tu sais, c'était drôle quand tu faisais comme... Tu parlais comme... Réceptionniste! I'm waiting, still yawning. We're proving to each other that romance is boring. Sure, there are things I could do if I was. my best friend's locker. Without her, still catching metal. Maps and Atlases. Avec la pièce The Most Trustworthy Thin Cans. Most Trustworthy Thin Cans. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme dirait Sylvestre le chat, assez difficile à prononcer. Comment? Comme dirait Sylvestre le chat. Ok. Je sais même pas qu'est-ce qu'il dit comme phrase, mais il dit de même. Ça. Ben, c'est ça, c'est toujours comme ça qu'il dit. Il le postillonne. Hey. Hey. Ce soir, Mathieu. Oui, ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Tu cherches quelque chose à faire? Non, du tout. Je le savais. Ce que tu fais. Donc, j'ai justement rien à te proposer. Excuse-moi, oui, je veux quelque chose à faire. Kiwan, renseigne-moi. Ce soir, présentation de la pièce Jacques et son maître. C'est la dernière production de la saison, de l'année, du Théâtre des gens de la place. C'est diffusé, c'est présenté ce soir à la salle Anaïs Allard Rousseau, la Maison de la Culture, mais pas seulement ce soir. En fait, ça commence ce soir et ça va être comme toutes les productions du Théâtre des gens de la place. Ça dure 2 semaines à 3 jours par semaine, donc jeudi, vendredi, samedi de cette semaine et jeudi, vendredi, samedi de la semaine prochaine. Donc okay. C'est la première ce soir. Ça coûte 18$ pour un billet pour la présentation. Et Jacques et son maître, c'est une pièce de Milan Kundera d'après l'œuvre de Diderot. Et la mise en scène de cette production est faite par Éric Ahern, assisté de Denis Kahn. Donc, c'est ce soir à la Maison de la Culture. Et c'est fait par le théâtre des gens de la place. Oui, parce qu'on prendrait pas notre théâtre de monde qui ne vient pas d'ici. Bon. Mais il porte vraiment très bien son nom parce qu'il vient vraiment de Trois-Rivières. Et c'est une des rares compagnies de production théâtrale qui sont basées ici à Trois-Rivières et qui ont vraiment une saison complète, toujours basée ici à Trois-Rivières. C'est génial, il faut les encourager. Donc ça commence ce soir, ça finit le 20 février. Absolument. Si. Aussi, est-ce qu'on continue dans les suggestions sorties? Pourquoi pas, tant qu'à être parti? Oui, dur de t'arrêter. Les concours musicaux, les concours musicaux. Il y a une pub qui joue pas mal assez fou, qui parle des Mardis de la Relève, qui sont ici à Trois-Rivières, qui existent au Gambrinus, qui existent depuis quand même longtemps. La période d'inscription vient de commencer, donc ça a lieu plus tard dans le printemps. Mais il y a un autre concours quand même important dans la région qui bat son plein, lui, depuis le mois de novembre dernier. On est rendu aux demi-finales, ça achève. Et ce soir, c'est les groupes de Rum Horns de Trois-Rivières qu'on connaît bien, qui ont déjà participé au lancement de programmation. C'est fou ici. Dans le temps qu'on avait les lancements de programmation. Exactement. C'est ça. Donc, The Rum Horns qui vont affronter ce soir en demi-finale le groupe Tear Gas Holiday, qui viennent de Québec, je crois, si leur MySpace n'est pas si douteux qu'il en a l'air. Donc, Tear Gas Holiday contre The Rum Horns, c'est ce soir. C'est au Broadway Pub, c'est à Shawinigan. Donc, il faut se déplacer quand même un peu, ou sinon, peut-être pour nos auditeurs de Shawinigan, vous y êtes déjà. Donc, c'est au Broadway Pub ce soir. Et savais-tu, en plus, ce concours musical est diffusé sur les ondes de la radio locale de Shawinigan. Pas le 91.1. Radio 91. Incroyable. Ouais. Super. Donc, c'était mes petites suggestions pour ce soir. Ce sont de très, très bonnes suggestions, Kiwan. Merci à toi. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. Aujourd'hui, on a plein, plein de choses, vous l'avez entendu, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Ce n'est pas terminé. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui s'en vient, Mathieu? Non. OK, il n'y a rien qui s'en vient. Non. Stéphanie Gagné s'en vient avec sa chronique, son plat favori. Elle va nous partager, et partager avec nous-mêmes, je dirais, d'une façon plus mieux dit, ça. Pas tellement, mais bon. C'est coup de cœur artistique et culturel. C'est ça l'idée de sa chronique, ton plat favori. Dans quelques minutes, ça s'en vient bientôt. Mais en attendant, on va aller écouter une pièce du palmarès francophone. D'accord, la formation Orange Orange. Avec la pièce Et je pleure à Assemblage Requis. I'm crying, I'm crying. Qui tombe la fenêtre contre le nez, puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure pour l'humanité, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. I'm in need of some deep attention. Mes livres en trop, je danse tous les vendredis soirs, je fais l'amour en stéréo, je m'achète une télévision, je me couche pour un téléthon, je compose de tristes chansons de tout mon cœur, et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager. I'm in need of some deep attention. T-Mac, qu'on vient d'entendre avec la pièce « Tu n'as pas voulu » et toi, Mathieu, qui est un fan inconditionnel des Moquettes Coquettes. J'ai vu genre 2 épisodes. Mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Mais t'arrêtes pas d'en parler depuis ce temps-là. C'est ça. C'est pas vrai, c'est moi qui arrête pas de t'en parler. Puis bon. Bref, pour ceux qui écoutent les Moquettes Coquettes à Télé-Québec... Profitez-en ben, pendant que c'est encore en ondes, oui, premièrement. Premièrement, oui, vraiment. Mais non, c'est quand même bon. Là, oui. Même si personne regarde, mais c'est bon pareil. Mais ils ont un très bon musicien qui est comme... normalement, il y a un house band avec, dans ce genre d'émission-là, mais là, c'est comme un house homme orchestre. Là, ouais, c'est ça, vu qu'il n'y a sûrement pas assez de budget pour engager un groupe, mais il est très, très bon. Hein. Pour vrai, l'enrobage musical est vraiment excellent dans l'émission. Ouais. La pièce thème aussi. Et c'est Éric Patenaud de Télémac qu'on vient d'entendre qui fait toute la musique des Moquettes Coquettes. Donc voilà pourquoi qu'on parlait des Moquettes Coquettes. Excellent travail, excellent. Mais sans blague, c'est vraiment bon, les Moquettes Coquettes. Écoutez-les donc. Sérieux, t'sais. Écoutez donc un peu Télé-Québec. Non, mais tu sais, ils se forcent pour faire de la bonne télé au Québec. Come on! Moi, je suis un... Pour vrai, là, tu sais, on a l'air de rire de Télé-Québec puis des Moquettes Coquettes, mais moi, je suis vraiment... C'est le poste que j'écoute le plus souvent, Télé-Québec. C'est ce qui rejoint les animateurs de C'est fou le plus et les auditeurs de C'est fou par le fait même. Ouais, c'est vraiment un très, très bon contenu, mais c'est sûr que c'est différent de ce qu'il y a ailleurs, puis c'est ça la raison, c'est la raison d'exister de Télé-Québec. Je trouve ça dommage qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui soient en faveur de l'abolition de Télé-Québec. De certains partis qu'on nommera pas. Mais bref. Ça n'a pas de sens. Ça, là, cette mentalité-là de « Ouais, il y a que très peu de gens, mais une portion marginale de la population qui l'écoute, donc ça devrait pas exister. Come on! » Sérieusement. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait juste TVA à peu près qui existe. C'est ça. Juste ouvrir les valises pendant une heure pour avoir change ouais, tout. Ça. Allô? Puis en plus, que déjà l'autre station d'État, Radio-Canada, est rendue justement, elle a vraiment pareil embarqué. Comme TVA. C'est ça, elle a vraiment embarqué dans la course à la cote d'écoute. Exactement. Donc, ils n'ont pas le choix de présenter le programme le plus grand public pour avoir le plus de cote d'écoute possible. Mais Télé-Québec sont restés authentiques. Ouais. Ben, de toute façon, en tout cas, si le pire arrive puis que Télé-Québec, mettons, un jour ferme, là, j'imagine que ce genre de programmation-là va se retrouver à d'autres chaînes câblées. Moi, je dis que c'est plus, ça devrait devenir une chaîne câblée, tu sais. Ouais, c'est sûr. Un genre pourrait. De RTV. Ouais, c'est ça. Comme RTV appartient déjà à Radio-Canada. C'est ça. Mais et Télé-Québec en partie. Je me rappelle bien, c'est Radio-Canada, Télé-Québec. Mais c'est sûr que tout le contenu, à moins qu'il y ait vraiment, à moins que, tu sais, qu'il crée une station privée câblée. Sinon, s'ils font pas ça, tout le contenu Télé-Québec pourrait pas se retrouver une place ailleurs. C'est sûr, certain. Il y a des choses qui vont passer seulement là, qui sont pas vraiment passables ailleurs, sauf peut-être à RTV. Mais RTV, ils ont beaucoup une programmation à la pièce. Ouais. Là. Redondante aussi. Non, mais tu sais, c'est beaucoup des documentaires ou des films. Il n'y a pas énormément d'émissions originales produites pour RTV qui sont des quotidiennes qui vont pas quotidiennes qui sont régulières qui vont jouer ça une fois par semaine ou ouais. Il y a pas beaucoup de productions là, qui sont faites pour RTV contrairement à Télé-Québec. Mais celles qui font sont très bonnes, c'est juste la TV, c'est oui, vraiment c'est leur principal en fait ouais. Et c'est vraiment très bon ouais. En tout cas, bon, parlons de télé une autre fois encore. Oui, OK, donc on va retourner en musique. Oui. Dans quelques minutes là, dans je dirais à peu près 5 minutes 29. On reçoit Stéphanie Gagné, mais pour l'instant, on écoute une pièce du palmarès anglophone, je crois. OK, go. Je crois que c'est anglophone, oui. Il me semble. Aux dernières nouvelles, oui. Non, mais c'est dans le palmarès. Oui, c'est dans le palmarès, oui. Donc, on écoute la pièce. Quelle pièce dans le palmarès, toi qui anime les palmarès? This Too Shall Pass, la deuxième. Ouais. Bon, parfait. C'est donc, l'album Of the Blue Collar de Sky. Et Stéphanie Gagné, ton pot aujourd'hui dur à ouvrir, ça. On n'arrête pas. On est comme là, puis on tord le couvert depuis comme 20 minutes, puis on dit ça va s'ouvrir, ça. Ton pot favori. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment? Road trip! Road trip? Road trip! Moi, je parlais plus de pickles. Pickles! Des pickles! Pickles! C'est jamais un beau geste pour personne. C'est fou, c'est fou comme un ballet. Comme un ballet. Comme un ballet. 89. C'est fou de la scène émergente. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Et oui, vous êtes toujours à l'émission Assemblage Rocky en compagnie de Kiwan et de Mathieu Plante qui accueille maintenant Stéphanie Gagné pour sa surprise. Hein. Elle nous a amené son plat favori cette semaine. C'est une surprise, on ne sait pas encore ce que c'est. Il n'est pas étiqueté encore son plat. Là. Donc, on va voir ce que c'est dans quelques minutes. Salut Stéphanie Gagné. Salut Mathieu Plante. Est-ce que tu vas nous parler de ton appartement? Non, je ne parlerai pas de mon appartement. Je pense que vous n'avez assez entendu. Vous connaissez tous les raccoins de mon appartement maintenant. Des belles tuiles, hein, c'est ça? Ah, de la belle céramique, puis du plancher bois flottant. Toute la kit. En avril, tu vas être au paradis. Oh oui, dès le 1er avril, là, ça va être génial. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, non, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais cette semaine, j'ai pas rencontré de star. J'ai pas écouté de film d'une vieille époque. Cette semaine, j'ai fait un mini road trip avec une de mes amies. Samedi, on a décidé de monter à Québec, d'aller magasiner pour la dernière fois jusqu'en juillet, puisque j'ai mon appartement cher. Mais voilà, on a été magasiner, on a été manger dans un restaurant dans le Vieux-Québec, écœurant. Alors, ça m'a fait penser à un road trip. Et je me suis dit, la musique de road trip, c'est pas comme la musique normale. C'est meilleur. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, la musique de road trip, c'est écœurant. On a tous, je pense, nos classiques de road trip. Ouais, c'est sûr. Tu sais, une chanson que tu peux gueuler au bout de tes poumons, là. Du Eric Lapointe, là, puis du... OK, peut-être pas, là. Non. Ça fait pas partie de ma liste de chansons de road trip. Vraiment pas. Non, mais c'est vrai que Poussé par le vent, tu sais, avec la thématique du voyageur, c'est ça, ouais. Ouais. Peut-être faire. Non, c'est pas ça que je vous fais écouter aujourd'hui. Je m'excuse, mais c'est une chanson pas très connue de Rock'n'Roll Soldiers. C'est Funny Little Feeling. Et oui, ça vient des frères Scott. Ben c'est ça, j'allais dire. Tu nous as montré le CD. C'est la trame sonore de One Tree Hill, les frères Scott. Ma blonde capote là-dessus. J'ai rien écouté de tout ça, donc je peux pas te dire. Bon, mais j'espère que ta blonde écoute. C'est pas Gavin DeGraw, là. Non, c'est pas Gavin DeGraw. C'est pas la chanson thème, là. C'est quoi déjà la chanson thème? J'allais chanter. Ça, plus. C'est Dawson Squeak. Attends une minute. Justement, je suis en train d'écouter Dawson. C'est ainsi chez nous. Ça, c'est Dawson's Creek. Mais là, oui. C'est quoi One Tree Hill? Comment? Ils n'ont plus de chanson thème depuis genre 2 ans. C'est I Don't Wanna Be. Voilà. Ah non, attends. Alors, non, je chanterai pas en nombre. Non. Ben, en tout cas. Non, c'est pas mon genre. Et sûrement, c'est le CD, mais le début. Mais donc, c'est Funny Little Feeling. Ça date de 2006 de leur album So Many Musicians to Kill. J'aime vraiment le titre, c'est cool. So Many Musicians to Kill. Tant de musiciens à tuer. Voilà. Mais là, ton album de route, est-ce que c'est la trame sonore de One Tree Hill? Ça fait partie parce que moi puis mon ami avec qui j'ai fait mon road trip samedi, ben on est vraiment obsédé One Tree Hill. Fait qu'on s'amène les 3 trames sonores de One Tree Hill puis on les écoute back to back à chaque fois qu'on va à Montréal ou à Québec. Ça arrive une fois ou 2 mois à peu près. Fait que on les écoute au moins une fois ou 2 mois. Puis en plus, cette chanson-là, vous allez voir, là, à un moment donné, il chante super vite, c'est super cool. Puis André, elle connaît les paroles par cœur, c'est vraiment trippant. Je me suis dit que le prochain road trip, il faut que je la prenne par cœur. Ben oui, puis la prochaine chronique, il faut qu'elle soit ici pour la chanter. Okay. Ah, il faudrait, j'y demande, mais elle travaille de soir, fait que présentement, elle travaille. I don't wanna be anything. Exactement! Yes! Bravo! Bon, est-ce qu'on peut aller écouter la bonne chanson maintenant? Donc, on écoute le groupe Rock'n'Roll Soldiers avec la pièce Funny Little Feeling dans la chronique Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Assemblage Rocky. Don't move. your feeling, lick it dry, wonder just who am I? Prison morning, teenage boy, transvestite with high heels on. Hey, where is my life gone? Ain't done anything I want. According to my list, I've still got so many musicians to kill. Will kill until I fill my landfill full of bodies standing still. Got a funny little feeling. My arms are shaking like a lightning rod, yeah. I'm getting power through the ceiling. Shaking like a lightning rod, yeah. I get them all right through the ceiling. Then sink my teeth until the feeling's gone, yeah. I got a funny little feeling, yeah. My arms are shaking like a lightning rod, yeah. I get them all right through the ceiling, yeah. Then sink my teeth until the feeling's gone, yeah. I got a funny little. Pas négatif, c'est pas ça. Non, blonde à Mathieu, on doit être amis maintenant. Ouais. Message. Ouais, voilà. Les je deux veulent aller en message. Californie. Ouais. Californie, en écoutant voilà, One Tree Hill. Moi et ta blonde, on pourrait s'en aller à Los Angeles, aller habiter là-bas tout en écoutant One Tree Hill tout le long. Ça serait écœurant. Et vous pourriez devenir des travailleurs illégaux dans un champ de patates. C'était pas ça mon rêve, là, mais... Je sais pas, travailler dans une station radio en Californie. Ah, cool! Ça serait hot, ça! Elle a jamais fait de radio, ma blonde. Elle devrait faire de la radio avec toi. Ouais, bon. Je suis sûr qu'on s'entendrait bien. C'est ça. Que la trame sonore de One Tree Hill, à chaque semaine, une pièce. Puis... Non, une émission de road trip. Tout, juste des tonnes de road trip tout le long, à chaque semaine. Ah, ça, je devrais faire ça. Bonne idée, je devrais faire ça à mon émission, un thème road trip. Ouais. Pour avoir aussi une chronique mécanique là, où quelqu'un viendrait parler de chevaux vapeur. Je vais laisser ça pour toi, pour ton émission. Ça serait très pertinent si c'était moi qui le faisais. J'ai des amis mécaniciens, là, mais je pense pas que je vais les inviter pour parler de ça. Non, pas mon genre. On est dans la chronique ton plat favori de Stéphanie Gagné. Il n'y a pas vraiment de transition à faire avec ça, mais ça, c'est une pièce de road trip parce que c'est ton sujet du jour. Tu as fait un road trip récemment. Oui, ça sonne un peu comme The Strokes. Moi, j'aime bien ça, un petit rock britannique très cool. Et prochaine chanson, vous allez peut-être plus triper. J'ai mis We Are Wolves avec ma pièce préférée de We Are Wolves, celle qui m'a fait capoter sur We Are Wolves. C'est magique. Ouh. Crier ça dans un auto, là, c'est génial. En tout cas, avez-vous testé? Moi, j'aurais jamais pensé à We Are Wolves comme musique de road trip. Il me semble d'habitude ça prend quelque chose de plus, tu sais. Ah, mais magique rock, est tellement. Ouais, c'est ça, mais on dirait que c'est comme raffiné un peu trop magique, tu sais. On dirait que c'est une pièce trop raffinée pour un road trip, mais on a peut-être pas les mêmes road trip non plus. Voilà. T'sais. Non. Moi, on parle pas de chevaux vapeur et toute l'équipe. Non, mais moi non plus, on fait des road trips sur les arcs-en-ciel avec des calinours. Et des pouliches. Oh, les pouliches! Alors voilà, donc prochaine chanson, c'est Magique de We Are Wolves. Ben quin. Ben quin. Magique, magique. Yeah. Vous êtes toujours à ton plat favori à Assemblage Requis avec moi-même, Stéphanie, et Kiwan et Mathieu. Je m'excuse, je t'ai encore mis en dernier. Non, mais ça va. Au moins, dans Kiwan et Mathieu, c'est l'ordre qu'on avait décidé au préalable. Voilà. Ouais, on avait fait un pile ou face. Ça a été comme ça. Non, c'est juste que Mathieu et Kiwan, ça sonne croche. Mathieu et Kiwan. C'est pas aussi beau. Kiwan et Mathieu. Ouais. Tu vois, ça roule sur la langue. Kiwan et Mathieu. Kiwan et Mathieu. Ça se dit mieux. Comme Stéphanie Gagné. Ça se dit bien. Bah, moi, je trippe pas. Non? Non. Ben, j'étais à l'école anglaise, fait que Stéphanie Gagné. Gagné. Ah, c'était pas chic. C'était non. Vraiment pas le fun. Non. T'aurais dû juste changer pour Steph the Winner. J'aurais dû. Et voilà. Et voilà. Alors, c'était tout pour moi. Ah, bon trip. On finit pas là-dessus. C'était mauvais au bout. OK, on peut continuer à parler. On peut parler de mon appartement. Jusqu'à temps qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Oui, ton appartement, il y a une petite cuisine, mais tu fais pas de cuisine. Donc c'est exactement. Il y a une méga salle de bain. C'est super beau. Pas besoin de repeinturer. C'est déjà tout chic and swell. Encore une fois, belle céramique. Ouais. Beau walk-in. Walk-in. Plus important. Ah, je te dis, les walk-in. Hein? Ah, c'était mon rêve. Puis là, je vais l'avoir. C'est débile. En tout cas, félicitations pour ton appartement. Merci. Et très bonne chance. Merci. Ça encore plus, merci. Ouais. En avoir de besoin. C'est ça. Beaucoup. Coûte cher. Ouais. Ouais. Surtout payer un appartement et demi, là. Ça va coûter très cher. Ouais. Tu peux pas le sous-louer parce que, bon, etc., etc. Bon. Voilà, ça va faire le tour pour ton appartement. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, à jeudi prochain, pour ta prochaine chronique, ton plat favori. Et tu vas animer tantôt ton émission. Ben oui. Une belle bêche émission. Ben oui, toi, chose. Merci, chose. Hey, dudette! Et qu'est-ce qui nous attend? Ben, j'ai pas mal juste des hommes cette semaine. La semaine passée, c'était pas mal, c'était des femmes. Cette semaine, c'est presque toutes des hommes. C'est viril aujourd'hui. Une pain bêche, mon ami. Voilà. Ça fait tellement pas viril, une pain bêche. Non, vraiment pas. Il y a Malajub, Las Vegas, Dumas, La Question, Joseph Arthur, P. Doherty, ainsi de suite. Voilà. Cool. Cool. C'est à une paix bêche en mission, c'est à 17h tout à l'heure, juste après notre belle petite émission. Oui, c'est dans une dizaine de minutes. Nous, notre émission, elle achève. On va écouter une petite pièce de Plants and Animals tout de suite. D'accord. Pièce de leur prochain album qui s'appelle La La Land. La pièce, elle s'appelle Tom Cruise. Vous êtes à Assemblage Requis. C'est une petite pièce, il est petite de même comme Tom Cruise. Oui, Tom Cruise. Il est petit de même. C'est un petit boudou. Minuscule. que j'éjacule. Différencier les chansons de Majib, des fois, c'est, les noms sont pas très explicatifs. C'était Montréal moins 40. Je savais. De Majib. De Majib. Je savais. Hey, ça fait à peu près un an, cette semaine, que leur album Labyrinthe est sorti. Ça fait longtemps qu'on l'a pas joué. Ça fait presque un an qu'on l'a pas joué. Le temps passe tellement vite. Tellement vite. Ben oui, le temps passe vite pour vrai parce que l'émission est terminée, Mathieu. Et la semaine aussi est terminée pour Assemblage requis et les autres quotidiennes de C'est fou. On va être de retour lundi matin à 7h avec la nouvelle émission de Simon Fitzbé. On s'appelle et on est jeunes. Nouvelle émission pour Simon. Adorable Simon avec Sophie et ses autres chroniqueurs. Évidemment, le dîner de con va être là à 11h lundi aussi. Et puis nous, on va être là à 15h avec Maxime Lemieux-Laramé et Martin Bertrand. Restez sur nos ondes à 17h, il y a une pebèche en mission avec Stéphanie. Ensuite, il y a la spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. Puis à 21h, il y a Sky Punk. Soyez-y. Ah, et si vous avez raté un moment ou une chronique ou n'importe quoi dans l'émission Assemblage requis et les autres quotidiennes, synthonisez le meilleur de ces fous. C'est demain, vendredi à 6h30 et samedi à 14h. C'est noté. Voilà. Oh, et allez sur assemblagerequis.com pour télécharger la balado-diffusion et voir les liens de l'émission d'aujourd'hui. Autre chose? Je pense que là, ça fait le tour. C'est tout. Alors, bonne soirée, Mathieu. Ah, il y a les palmarès, c'est fou, demain à 17h. Oui, c'est vrai. Et les lutins de l'enfer, ensuite. Ouais. C'est vrai. Oui. Bon. Autre chose à part de ça? Je pense que c'est pas mal tout, là. Toi, Kiwan, ça va? Oui, ça va très bien. Je souhaite une bonne soirée, Mathieu, et à tous les auditeurs aussi. Toi aussi, mais surtout les auditeurs. Toi, je sais que tu vas la passer merveilleusement en bonne compagnie, de toute façon, sûrement. J'imagine. T'as-tu de la belle céramique chez vous, toi? Non, j'ai pas ça, par contre. Non. Il est plus là sur sapin de Noël, il a réussi de le garder. Mais mon éclairage de Noël est encore là, par contre. Yes! Et ton micro-ondes, t'avais un beau petit truc dans le micro-ondes, c'était quoi ça? Non, il fallait l'utiliser, donc on est obligé d'enlever. Ouais, le... Faut toujours l'électricité, ça. Mm-hmm. Ouais. Hein, Stéphanie, t'en sais de quoi, toi, l'électricité? Faut que tu gères ça. Ouais. Hein? Elle chauffe à 35. Elle chauffe à 35, il a dit. Chauffe à 35, pour vrai. On chauffe à 18, puis on gèle chez nous. Ouais. Bon. Bye. Bonne fin de semaine.